12.5, activation orale, prononciation, alternance vocalique. Écoutez et répétez. Nous comprenons. Vous comprenez. Ils comprennent. Se promener. Nous nous promenons. Vous vous promenez. Je me promène. Tu te promènes. Il se promène. Elle se promène. S'appeler. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Je m'appelle. Tu t'appelles. Elle s'appelle. Il s'appelle.